Madame, Mademoiselle, Monsieur, Madame Patty Smith. Hein? On la renomme. Madame Patty Smith. On dirait que mon son est pas assez fort. Attendez un peu, là. Oui, OK. Ma voix est-elle énervante? Elle vous dérange un peu? Vous titillez? Il y a de la... Hello? Oui, il y a de la... Oui, il y a de la friture, hein? Patate, enlève ta frite. Il y a de la friture. Cette semaine, j'ai des choses qui m'ont révolté, comme d'habitude, comme d'hab. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui passe dans mon établissement et il se nomme conseiller spirituel. Un conseiller spirituel. Messieurs, moi, actuellement, là, pendant cette période, ce que j'aurais besoin, non pas d'un conseiller spirituel, mais d'un conseiller en spiritueux. Et innocent. Innocent, c'est pas ma réplique, là. C'est le gars qui se dit conseiller spirituel. Quand même, faut pas se prendre pour n'importe qui, hein? Madame, mademoiselle, pécheresse, faites-moi confiance. Je suis conseiller spirituel. Pour vous et entre nous pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen, amen, innocent, amen. Bon, je suis, ah oui, ben là, pour mon conseiller en spiritualité, là, ce que je voudrais, comme je l'ai dit, c'est un conseiller spiritueux. Et je tiens à dire ma réplique, si je peux la trouver sur moi, j'ai plein de petits cartons. Et c'est des très, très, très, très, très petits cartons. Donc, la prochaine fois, je vais peut-être élargir le tout, histoire de ne pas me le coller sur le nez. Quoiqu'à la radio, on peut pas voir là, que je colle la carte. Et puis, en plus, deuxième problématique, parce qu'il y en a beaucoup dans une existence, hein, dans une vie, dans une journée, beaucoup de problématiques et on doit les résoudre avant de se coucher. On peut se coucher en essayant aussi de les résoudre, mais on ne dormira pas. On appelle ça l'insomnie. Barbara en faisait d'insomnie. Dame extraordinaire, Barbara. Qui avait, je sais, je radote, qui avait une ligne uniquement pour que le public l'appelle lorsqu'ils étaient en tumulte psychologique. Il n'y a pas beaucoup d'artistes au Québec là, qui nous offrent leur ligne téléphonique ou leur cellulaire. J'allais dire le pagette. C'est fini le pagette. C'est vrai, ça fait des années que je n'ai pas vu une personne avec un pagette. Vous savez ce que c'est que les jeunes, un pagette? On va vous le dire. Un pagette, c'est un instrument qui servait à l'époque à donner notre numéro de téléphone pour que nous puissions les rappeler. On ne pouvait pas laisser de message. En tout cas, je crois que j'en ai déjà eu un pagette. Mais je crois qu'on ne pouvait pas laisser de message. Ou si on pouvait en laisser, c'était comme une boîte aux lettres. Mais non, comme un répondeur. Là. Il y avait une boîte, mais je ne suis pas si certain. En tout cas, le mien, il n'y en avait pas. J'avais pas le moyen à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai le moyen. Moi, m'envoie à Paris. Je reviens de Paris. Ça, ouais. Les invités, on drink. Il n'y a pas de problème. Vous voulez du champagne pour tout le monde ici. Vous êtes quoi, 250? Mais pas de problème. Tout payé, moi, de l'argent. Non, mais conseiller spirituel, on était-tu là? Ah oui, Pagette, hey, hein, on a dérivé, puis hop, je suis revenu. On va en profiter, ça n'arrivera pas là, souvent aujourd'hui, là. Comme tout le reste, à un moment donné, ça s'évapore. Puis quand ça s'évapore, ben, on essaye de trouver le lien, la chaîne, la liane, pour nous propulser vers l'autre liane. Puis pas agripper, parce que, avez-vous déjà, moi, lorsque j'étais petit, il y avait la série Tarzan. Et je me rappelle pas d'avoir vu le grand Tarzan manquer une liane puis tomber par terre. Mais ça. Peut-être dans la... Pas la comédie, mais comment t'appelles ça, là, la tragédie? Non, quand c'est pas une comédie, normalement, c'est une tragédie, madame. Vous avez un bon point. Oui. Je vais m'arrêter. Vous allez me donner votre point sur la... Oui. D'accord. On met un point final là-dessus. D'accord. Oui. OK. Perfect. Mais j'ai... Ah, une parodie, oui. Peut-être dans une parodie là, de Tarzan. Non, j'ai pas ta moi. On dirait un chien qui a la queue coincée. Ou qui vient de se la faire couper. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il voulait dire, donc, la fille? Non, c'est pas ça, là. Non, oh oui! Je tiens à vous dire, madame, mademoiselle, monsieur, que j'ai lâché ma... Non, je trouve plus le carton. Non, tu vas le trouver, puis sinon, on va passer une pause musicale. Mais non, pas le temps, là, la pause musicale. Échalote, rose, poisson, verglas, gazon. Ça, c'est une improvisation que j'ai déjà faite. Quel charivari, ça, on va la faire. Faites-vous-en pas. On va chanter, on va avoir du plaisir. Je vous le dis. On va avoir du plaisir. Pas certain, ben oui! Vous sortirez pas d'ici sans avoir de plaisir. Je commence à dégonfler. Et puis... Ah oui, merci. Je tiens à dire à tout le monde, là, et surtout à mon conseiller en spiritueux, que je suis en état de sobriété avancée. Je vous le jure. Prise de sang. Allez-y, madame. Mais pourquoi vous... je sais pas pourquoi, mais sans doute pour sortir les... Non, je viens de répondre. On met un élastique. Ça doit pas s'appeler un élastique dans le milieu médical. Un sarrau. Non, ça n'a rien à voir, un sarrau. Là. Une chienne non plus, là. C'est pas une boucherie, cette, là. Ah, quoique, oui, une chienne. Ouais, un médecin a une chienne. Puis quand il opère, il doit avoir la chienne aussi. Et, cardiologue, là. Cardiologue qui opère le 2 janvier. Grosse mort. Quoi que j'ai fastoyé un peu trop, là, mais faut faire la chirurgie. Non, c'est vrai qu'ils ont quand même un dialecte et un discours beaucoup plus pertinent dans leur rôle, bien sûr, parce qu'ils ont fait des hautes études. Ils ont tellement fait d'autres études, de hautes études, qu'en haut de tout ça, tu peux pas en faire plus. Là, en haut de l'échelle, là, tu peux pas être plus en haut de l'échelle que ça, à part un savant. Oh, ouais, non, oh, ouais, il reste les savants. Les savants fous. Et moi, je suis un savant flou. savant flou. En parlant de flou, la soupe au pois est bonne, mais ça donne... ça fait virer, oui. Donc, je suis en état de sobriété avancée, madame, mademoiselle, messieurs. Et si vous voulez vérifier avec la prise de sang ou mon test d'urine, et croyez-moi que le test d'urine, là, il va en couler. Hein? C'est comme les érables, quand c'est le temps, là. Pour que ce soit la meilleure saison des... Je sais que là, on est au mois de décembre, il y a pas des... il y a des érables, là. On plante pas les érables en hiver pour dire que c'est le temps des érables, madame. Je sais que vous êtes belge et on vous adore. Mais ce n'est pas parce que vous êtes belge que je crois que vous imaginez que nous plantons des arbres qui s'appellent des érables pour le temps des sucres. Non, non. Jean de Terre-Neuve non plus, là. Ni des gens, les gens de Charlebourg savent très bien. Des arbres, ben oui, c'est des arbres. Non. Ça dépend d'où tu viens à Charlebourg, là, tu sais. Il y a Charlebourg-Est, Charlebourg-Ouest, là, et une grosse discussion entre eux autres, hein. Et monsieur, ils ont presque pensé, et déjà là, ça fait mal, là, essayer de penser, là. Ils ont eu l'idée de mettre un mur. Comme à Berlin. Berlin. Mais comme là-bas. Tu sais, quand ils ont défait le mur, là, avec le groupe. Pink Floyd! Hey, hein? I'll break it in the wall. Hey, monsieur. On va parler peut-être, si nous avons le temps. On le prend, oui. Un amateur de Pink Floyd. Amateur de Pink Floyd, bonjour. Bonjour, Pink Floyd. Vous aimez Pink Floyd? Non, d'abord. Excusez. Vous êtes trop loin du micro. Trop proche. Non, on va pas l'appeler au téléphone. Ben, on devrait l'appeler au téléphone. Mais la ligne est mauvaise, hein? Très mauvaise. OK. Quel est votre groupe préféré? Pink Floyd! Oui, monsieur. Bon. Qu'est-ce que vous aimez dans ce groupe de rock psychédélique? Vraiment. Pink Floyd! Oui, mais la musique, les paroles, l'environnement. Oui, exactement. L'enveloppement sonore, ou tout ça en même temps, quand vous allez voir le spectacle, c'est le visuel. Qu'allez-vous voir lorsque vous vous présentez dans ce genre de spectacle? Allez, répondez-moi là. Qu'allez-vous voir? Pink Floyd! OK, bon. Il ne peut pas aller plus loin que ça, lui. Là. Un amateur de Pink Floyd. Ça ping le Floyd, là. Hein? Ça ne peut pas piquer pour ça, là. Tu piques en haut, là. Puis plus haut que Pink Floyd, c'est quoi? C'est Dieu donné. Puis Dieu donné a déjà donné là-dedans. Et puis, ah oui, hey, j'ai un client qui m'arrive. Travaille dans le secteur, moi, des services, moi, là. Bientôt, je serai le premier monsieur pipi. M'a changé de boulot. Ah, oh, m'a changé. M'a viré ma carrière. M'a la viré ma carrière. Je vais me virer moi-même. Et de deux, je vais virer ma carrière. Parce que lorsque je serai capable de me virer moi-même, je serai capable aussi de faire tourner ma carrière. Ça tourne, hein? La Terre aussi. On va essayer de faire le contraire. Comme ça, on va peut-être fixer le trou. T'sais, on va arriver dans le trou. Si on va à l'envers, on va... Je suis trop clair, moi, là, madame. Trop clair, hein? Comme l'eau. Dans le clair de lune, comme l'eau. Non, c'est pas celle-là qu'on va faire. OK. Alors, oui, c'est ça. Ben, y a un insignifiant. Puis moi, j'aime bien ça, lâcher des bonnes blagues devant des imbéciles. T'sais. Ça me satisfait. Je me dis, hey, je sais, moi, qu'il y en a des caves, là, des triples cons, là, des vrais finis, des crétins finis. Je suis en train de placer... de la litière. Et il y a un client qui dit « Hein, c'est de la litière pour chat, hein? » Tu te l'as dit? Non, ben, ça oui, mais on a arrêté de vendre de la litière pour chien, ça, parce que c'était pas rentable. Ça restait longtemps sur les tablettes, puis ça faisait dormir le portefeuille. Puis quand on fait dormir le portefeuille, ben, ça ronronne. Quand ça ronronne, ben, c'est des chats. Puis quand c'est des chats, ben, on les aime, on les nourrit. Quand on les nourrit, ben, ils sont bien heureux. Puis ils brandissent la queue, puis ils ronronnent. Ils font... Non, c'est un cochon, ça. Ah oui, hey, un cochon, en parlant de cochon. Non, c'est pas... on y va plus tard. Et puis, donc, c'est pour ça, là, nous autres, la litière, c'est pour ça. Pour les rendre heureux, pour les satisfaire, tu sais. S'ils veulent encore emmagasiner de la bonne nourriture, il faut bien qu'ils libèrent. Là, c'est le cycle normal, là, comme vous, là. Donc, la litière pour chien, là, c'était pas un très mauvais choix de mon patron. Je lui ai dit, là, Jean m'attends. Je attends-moi pas à soir. Non, je vais rentrer à pied. Ouais. Parce que là, je t'ai toujours mentionné que d'acheter de la litière pour chien, là, c'était très néfaste pour notre entreprise. On n'ira pas loin avec ça, là. Faudrait se lancer dans la bière, là, hein? De la litière pour bière, de la bière pour litière, là. Et la bière de litière, monsieur. Ça essuie le déficit, ça éponge le déficit, là. Ça éponge le monde aussi. Le monde aime ça, s'éponger avec ça, là. Hein? C'est comme des... Comment t'appelles ça? Dans un bureau, sur un bureau, là. Un papier buvard. Hey, y en a-tu du buvard au Québec? Oh! Ça rentre dans une... Hein? L'allée de bière, là. Tu vois 5-6 buvards. Hey, c'est quoi la bière la plus forte? La plus forte. Troisième rangée à droite, c'est l'alcool à friction. Bon, litière pour chien. Bon, OK. Ensuite, un mécanicien, il y a un autre insignifiant. On va décrocher le micro parce que je veux m'installer à mon aise. J'aime ça être à mon aise. Hey, c'est-tu fini, ça? On a perdu le nord. Ah non, OK, c'est revenu. Je suis en train de... Je fais mon émission, puis je configure un ordinateur en même temps. Essayez de faire ça. Tu sais, les femmes qui disent « Ah, les hommes sont capables uniquement de faire une action à la fois. » Pas capable de maîtriser deux choses, peut pas parler puis travailler, peut pas travailler puis parler, visser, m'embrasser, parler, puis ben oui, moi ça m'arrive fréquemment, ma belle Georgette. Je t'embrasse puis je parle à ma maîtresse. C'est un va pire. Hey, il y a un mécanicien! Ah, mais on dirait un spectacle de radio. C'est-tu comme un spectacle de radio? Assois, madame! C'est comme un spectacle. Elle m'a dit ça, hein? Confirmez-moi. Je vais le dire correctement, faites-vous-en pas. Confirmez-le, monsieur. Moi, j'ai été confirmé, hein. Ah oui, ils m'ont coupé le prépuce. Confirmez-moi-le. Bon, confirmez-moi-le. Ils m'ont jamais coupé le prépuce, faites-vous-en pas, mademoiselle. Et puis, un mécanicien. Ben oui, un mécanicien. Y en a-tu du monde qui veulent pas travailler? M'a dit ce qui s'est passé. J'arrive avec mon camion électrique. Bon. Camion à un certain âge, là, on doit respecter tous les âges. Il n'y a pas de hiérarchie. Les vieux, les jeunes. Moi, j'ai un vieux camion. Vous allez me dire, c'est rare un vieux camion électrique. Un vieux camion à essence, on peut comprendre. Ben ouais, mais essayez pas de comprendre. Je vous dis, j'ai un camion électrique. Bon, ça finit là. Et puis, je m'en vais voir le mécanicien du coin. Je pense que j'ai pris le mauvais coin parce que j'arrive avec. Il monte ça sur l'ascenseur de vérification, là, tu sais, ça monte, là, puis là, il voit en dessous de la voiture, il voit en dessous du camion, puis là, il est en dessous, puis... Ouais, écoute bien, il y a trop de rouille après ça, moi, je répare pas ça. J'ai dit pardon? Écoute bien, il y a beaucoup de rouille après ça, moi, je répare pas ça. Attendez, là, j'ai bien compris, vous êtes un mécanicien. Ouais, puis là, moi, je regarde, là, hein, il y a de la rouille en dessous de ça, puis moi, je répare pas ça. Hey, je vous demande de réparer mon camion. Je vais vous payer en conséquence. Puis là, vous êtes en train de me dire, là... Comment ça, vous voulez pas réparer ça? Ben, comme je t'ai dit tantôt, mon champion, là, je regarde en dessous. Moi, je suis en dessous, là. Hein? Je l'ai levé, là, mais j'ai la tête qui regarde en haut, là. Comme le, hein, comme le temps de... Hein, quand je prie, moi, là... Ben ouais, priez pas sur moi. Non, non, non, pas du tout. Faites-vous-en pas, monsieur. Ça fait que moi, je vois juste la rouille, là. Fait que quand il y a de la rouille, moi, je répare pas ça. Hey, écoute bien, toi, là. Ouais, je suis parti, je sais pas de quoi, mais je suis parti. Je suis parti des clients, moi. Je suis un client. Je te demande de réparer mon camion. Puis là, tu regardes en dessous, tu fais... Ben oui, mais regarde-moi ça, champion! Regarde-moi ça, boss! C'est champion, boss? Regarde-moi ça! Ben, je regarde, oui. C'est rempli de rouille. Ben oui, je sais que c'est rouillé, puis je te demande de réparer le problème. Je te demande pas de voir la rouille. Oublie la rouille, puis répare le problème. Excuse-moi, mon champion, mais moi, tellement de rouille, là. Oui, je sais, tu répares pas ça. Non, je répare pas ça. Ça, là, moi... OK. Oh, je m'en vais dans quelques minutes. Je veux juste te dire une affaire. Si tu vas à l'hôpital, tu vois un médecin, là, puis il voit que t'as bu, t'as fumé, puis t'as abusé de la vie, j'espère qu'il va oser te dire... Ah, écoute, c'est beau, là, mais moi, là... Je peux pas te soigner. Ah, je peux pas te soigner, là. Écoute, tu bois comme un effréné. Tu fumes comme une cheminée. Et tu réfléchis comme un ramonné. Bon, c'est ça. Ça fait qu'il y a des mécaniciens qui refusent, imaginez-vous, de travailler. C'est beau la vie. C'est beau la vie. Ah oui, hey, puis moi, je suis dur de la feuille. Saviez-vous ça? Ah, bon, et moi, là, j'ai la feuille qui balotte à... comme sel. Ça, j'aime ça, l'image. C'est l'automne. Fin de l'automne, l'hiver, la première neige, il y a encore quelques feuilles. Moi, je les vois qui s'agrippent. Ah, non, faut pas abandonner! Hey, oui, nous sommes trois dans l'arbre, là. Faut résister! Là, tu vois, ils tiennent. Puis là, la neige, hein, amène la pesanteur. Non, ils sont là, ils s'agrippent après l'arbre, après la branche, pas après l'arbre, après la branche. Là. Puis là, les feuilles demandent à la branche, « Tiens-toi dans l'arbre, là, fais-moi pas tomber! » Puis là, la branche, « Oui, je vais essayer, mais il vente, il y a du vent, c'est épouvantable, on dirait la première tempête du siècle. » Puis là, première tempête du siècle, bon. Ça fait que... Pourquoi je parlais de la feuille? Non, non, bon, c'est une belle image. Puis moi, ça fesse la radio, moi, là. J'ai fessé trois fois ma radio. Mieux vaut fesser sa radio que fesser sur le monde, hein? Mais, bon, je sais bien que certains diront. Ben oui, c'est normal. Ça commence par frapper une radio, ce gars-là, là. Puis ça va finir par frapper du pauvre monde. Non, non, non. Avant de frapper, la prochaine fois, m'a demandé ton compte bancaire. Si t'es excédentaire, fais-toi en pas, je vais me charger de toi. Et puis si t'es déficitaire, ben, m'occupe pas de toi, moi. Ah, non. Quoique, je devrais m'occuper de toi. Parce que tu pourrais pas me poursuivre aux criminels. Ah, ben oui, non, je pense qu'il y a des gens qui s'occupent de des gens qui ont pas le... Oui, il y a des gens qui s'occupent des gens. Ah, ouais, on appelle ça le communautaire. Heureusement qu'il y a du communautaire, puis qu'il y a du monde qui s'occupe du monde, parce qu'il y a du monde qui aime le monde. Parce que je sais que c'est une minorité qui font en sorte que la Terre tourne un peu croche. Mais le reste des individus, des citoyens, du genre humain, essayent de se débattre dans cette vie. Pas facile. Pardon? Non, mais c'est le moment tendresse. Mais il n'y avait pas de musique, là. Bon, en parlant de la fille des... Ouais. Il y a quelqu'un qui me parle. Toujours dans mon entreprise, il y a quelqu'un qui me parle, c'est le boucher. Parce qu'on a des bouchers. Chez nous, on coupe la viande, on regarde la viande, on apprécie, on aime ça, la viande. Une belle chanson de Brigitte Fontaine qui s'appelle « Viande ». La viande, je la ferai pas jouer parce qu'il faut que je trouve le record, puis c'est pas si facile. Et puis, bon, j'écoute, c'est le pêle-mêle ici, là. J'ai de la misère à trouver mes idées. Hey, monsieur. Ça fait que... Oui, c'est ça, le boucher m'arrive, puis on voit une jeune fille en avant. Au mets cuisiné, parce qu'on fait aussi des mets cuisinés. Très belle fille, en tout cas, je clique là-dessus. Mais... La lâche pas, tu sais, je la vois. Puis je trouve que, comparativement aux hommes... aux gars, les filles peuvent faire du mimétisme, se transformer, soit par une coupe de cheveux qui change, mais même pas couper les cheveux, placer ça autrement, les vêtements ou le maquillage. Bon, nous, à part Indochine, là, Nicolas Sirkis et compagnie, quoique il est le seul Nicolas encore dans son groupe Indochine. Son frère est mort, puis son chien est mort, puis c'est un groupe extraordinaire, le chien. Et donc, le boucher, lui aussi, yeux de la fille. Puis là, il me dit, « Hey, c'est la fille des bottes! » Moi, je voulais pas, tu sais. Je pensais que c'était de l'humour, là. Là, je m'en vais placer quelques bières dans le frigo. Et là, je reviens vers le boucher. Puis là, j'ai dit, « Pardon? » Il dit, « Non, mais c'est... » Parce que chez nous, un patron, c'est un boss. Je dis ça aux gens là, qui sont en visite au Québec là, puis qui ne comprennent pas trop ce que je dis depuis le début. Un patron, c'est un boss. Et là, le boucher dit non, mais c'est sans doute la fille du boss. Fait que là, j'ai compris sa phrase. Il m'a pas dit c'est la fille des bottes, mais c'est la fille des boss. Pas la fille des bottes, mais c'est la fille des boss. Tu sais, quand l'oreille, c'est comme l'affaire chez le russe, là. Chinois russe, là, hein? On commence une phrase, puis là, après ça, hop, ça vient autre chose. Moi, je suis dur de la feuille. Il paraît que ça rend sourd, puis pas la feuille, mais enlever la feuille. Quand t'enlèves la feuille, là, hein, je sais pas. Bon, alors, on y va avec une petite chanson. Oh oui, puis si mon ordi arrive à se configurer, on est loin de là, mais en tout cas, on y va, puis vous allez comprendre. Est-ce que je peux prendre, parce que j'ai le garde à force de crier, hein, ça donne mal aux amygdales. Aux amygdales. OK, on y va. Verre d'eau, mais pas de glace, parce que sinon, ça coupe la voix. Les grands chanteurs, les grands ténors, là, me l'ont dit récemment, dont Luciano Pavarotti. Pardon, il est mort? Mais il me l'a dit là, dans un de mes rêves, parce que je rêve beaucoup aux morts, moi. Pas homard, pas le homard, homard. Les morts. Pas les homards. Ça, c'est les pinces. Je fais les pinces, ça, c'est pas pire. Hein? Je vais boire un verre de. 3-4 gorgées de verre de. Moi, boire 3-4 gorgées de verre d'eau. Non, on dit 3-4 gorgées d'eau. Gorgées d'eau, gorgées d'eau sous le soleil de ma fille. Ah, vas-y. OK. M'a prendre l'eau puis m'a déliré après, excusez-moi. Vous pouvez faire la même chose, hein? C'est de l'eau chaude. Non, c'est pas ça. C'est-tu l'eau qui est chaude? Ah oui, c'est l'eau, c'est l'eau. Alors. Quel chalib arrive, arrive, quel chalib arrive, arrive, quel chalib arrive, arrive, la vie avec toi. Oh, quel chalib arrive, arrive, quel chalib arrive, arrive, quel chalib arrive, arrive, la vie avec toi. Avant toi, j'ai connu Nicole, qui vivait dans ses casseroles. Elle briquait comme personne. L'Argentine et l'aluminium. Excuse-moi. Champion! Champion! Reviens à nous! C'est pas l'Argentine! C'est l'Argenterie! Oh! Triste affaire! Oui, triste affaire! Mais ça, là! Toi, t'es comme ben du monde. Tu confonds, hein? Tu tricotes les mots quand tu peux pas lire. Ouais, mais il fait noir! Il s'est fait noir comme dans le derrière d'un ours! On dit pas le derrière d'un ours, on dit le cul d'un ours. Ah, je sais pas, c'est quoi, l'expression, est-ce que c'est un derrière ou un... Peu importe. Il fait noir. C'est un peu... Ouais, j'ai mis deux, trois lumières, là, comme dans un bar. Dans un bar. Pourquoi il met pas beaucoup de lumière? Pour qu'on puisse se tromper lorsqu'on les paye. Oui, mais c'est une machination. Ils sont tous de même. Ils veulent notre argent. Non, c'est... Argentine, là, c'est pas ça. C'est Argenterie. Puis il y a une rue à Québec qui s'appelle Argenterie. Mais voyons d'autres, oui. Ben oui. Ben oui, regarde, on va prendre le taxi. OK. Ah oui! OK, on va l'attendre, surtout le 25. Non, on n'attendra pas parce qu'on l'a ici. Attendez un peu, là. Monsieur le taxi. Hop! C'est Joe le taxi. Vanessa est dedans. Non, elle n'est pas dedans. Elle vient tout juste de sortir. Ah, mon Dieu. Ça sent le parfum de Vanessa. Oh! Ça, c'est numéro 5, ça? Moi, c'est Rénal numéro 5. Hein? J'aurais dû lui proposer ça me fait bégayer, moi, mon parfum. On aurait pu s'échanger le parfum. Hein? Parler de parfum. Se mettre au parfum. Oh! Bon, OK. Excusez-moi, monsieur le chauffeur. Oui, alors ça va, mon cher monsieur? Ah, ça va. Alors, j'aimerais aller... Sur la rue de l'Argenterie. La rue de l'Argenterie! La rue de... C'est où? Ben c'est à Québec, là. Oui, mais à Québec, à quel endroit? C'est la rue de l'Argenterie. L'Argenterie! Ouais, mais vous avez pas un GPS, là? Vous pouvez pas situer... Ah, non. Moi, je suis à l'ancienne, hein? Oh là. Ouais, mais vous connaissez l'endroit. C'est des copains, c'est des amis. Non. Non, c'est... Je vais être presque dans l'obligation de vous dévoiler un terrible secret. Ah, ben allez, hein, on me confie des trucs, des choses, là, allez-y. Oui. Écoutez, aujourd'hui, je me sens un peu seul. Oui! Allez! Allez! Et puis, je suis allé sur Internet. Oh, Internet! C'est fascinant! Oui, fascinant, oui, c'est fascinant. Et je suis allé sur un site de rencontre. Oh là là, monsieur veut faire des rencontres? Et puis, là, j'ai eu une discussion avec une demoiselle, puis je dois aller la rencontrer chez elle. Ah, d'accord! Alors, vous connaissez pas l'endroit? Mais non, c'est ça que je vous dis. C'est pour ça que je prends un taxi. Quoique, j'ai pas de voiture. Non, mais je me dis, je vais prendre des gens compétents. Nous sommes compétents, mon cher monsieur. Ne me traitez pas d'incompétents. Je ne vais pas traiter d'incompétents. Vous n'avez pas de GPS. Non, mais écoutez, je vais discuter avec la centrale. Oh, la centrale? Ben non, mais hey, racontez pas toute l'histoire à la centrale. Mais non, je suis professionnel. OK, mais j'ai peur. Est-ce que vous pouvez démarrer déjà là? Ah, déjà là, je démarre avec aussi le compteur. Oh, ça commence, je commence déjà à payer. Ah, vous payez dès vous... le fessier, décoller, payer. OK, ça veut dire que... Oui, fessier-payer. Fessier-payer. Fessier-payer, monsieur. Fessier-payer, monsieur. Ah non. OK, et puis pouvez-vous appeler la centrale parce que j'ai déjà commencé à payer. Oui, monsieur, ne vous alarmez pas. Non, je suis pas alarmé. Pas alarmé du tout. Je suis très violent actuellement. Je suis très violent parce que j'ose prendre un taxi en me disant on va aller sur la rue de l'Argenterie, Argenteuil, je sais pas quoi. Ah, c'est la rue d'Argenteuil. Je sais pas, monsieur. Elle me l'a dit, là, puis j'ai peut-être mal écrit. J'étais tellement sur le stress. Comment ça, sur le... Pourquoi vous étiez sur le stress, monsieur? Pourquoi sur un stress? Ça fait 2 semaines que je suis sur ce réseau-là, puis c'est la première fois que quelqu'un me répond. Oh! Monsieur a eu un heureux... Un heureux, j'ai eu un heureux, mais j'ai pas d'euros. Ça tombe, excusez-moi, je me suis trompé. Tu sais, quand on fait la profondeur de champ sonore, c'est l'arrière-champ, des champs, t'es dans le champ, va-t'en dans le champ, ils vont des champs. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, je sais pas. Et donc, disons qu'il sait. Il sait mon personnage où on s'en va, OK? Alors, oui, direction, oui, monsieur, direction de l'argenterie. C'est parti! Et comme, écoutez, monsieur, comme j'ai un cœur sur la main... Oh! Moi aussi, j'ai le cœur sur la main et la main sur le portefeuille! Pas moi! Pas moi! Moi, je suis un humaniste. Écoutez-moi, je suis un humaniste. Oui, je vous écoute. D'accord. Je suis un humaniste. Vous êtes un humaniste, vous, hein? Ah oui, oui. Comment vous savez? En vous entendant parler. Oh, OK. Donc, je suis un humaniste. Oui. Et donc, j'ai donc un cœur sur la main. Et non pas sur le portefeuille, mince portefeuille, je sais votre blague, elle est superbe, continuez, allez dans l'humour, comme toutes les humoristes, vous n'êtes pas drôle. Oh, c'est vexant. Non, je ne suis pas vexé, non, je sais que vous n'êtes pas vexé, mais vous êtes vexant. Oh, je suis vexant. Non, je ne suis pas texan, je suis français. Ah, ben ça, on le sait. Oh, c'est l'accent? Non, c'est le petit côté, là. Oh, oh, oh, oh, oh. Êtes-vous le Père Noël? Non, non, non. Et puis donc, j'ai le cœur sur la main et non pas sur le portefeuille. Je vous ferai un prix global. Oh, c'est comme le refus global. Ah, monsieur a de la culture. Ben oui, voyons, de la culture. Moi, ça déborde. Ah, ça déborde. C'est pour ça que je vais voir mademoiselle. Là, ça déborde. La culture. Ah, là, c'est plus la culture qui déborde. Là, c'est... Oh. Je peux pas trop vous en parler, là, mais je peux vous dire que il va se passer quelque chose. Oh, elle le sait-elle? Ben là, j'espère qu'elle s'en doute un peu, là. Alors, vous me dites sur la rue de l'Argenterie. Oui. Alors, on se dirige, je tiens à vous dire, mon cher, que c'est un hôtel particulier. Flambeau entre ses esclaves nus taillés. Avant toi, j'ai connu Nicole, qui vivait dans ses casseroles. Elle le briquait comme personne, l'argenterie et l'aluminium, toujours coiffée d'un vieux chiffon, noué autour de son chignon. Tu parles d'un charivari. Quel charivari, vari, va, quel charivari, vari, va, quel charivari, vari, va, la vie avec toi, oh. Quel charivari, vari, va, quel charivari, vari, va, quel charivari, vari, va, la vie avec toi. Avant toi, j'ai connu Martine, qui n'aimait faire que la cuisine. Entre deux lièvres et trois perdreaux, j'avais grossi de 20 kilos. Quand je chantais mes chansons tristes, on me prenait pour Pierre Doris. Qui est Pierre Doris, madame? Le frère à Doris Day? À Doris Day? Non, ça, c'est impossible, c'est Doris. Pierre Doris. Je connais pas ça, Pierre Doris, moi, là. Manque de culture. Quand je manque de culture, faites-vous-en pas, la culture me pique. Et quand ça pique aussi ma curiosité. Donc, vous le saurez, sans doute. Un appel à tous. Excusez, avant que je prenne les bleus, les nerfs, les bleus jaunes, hein, les bleus blancs roses. Avant que, bleu, blanc, rose, rouge, rise, rase, roux. Qui est? Pierre Doris. Personne ne répond. On va vérifier, on vous revient plus tard. On prenait pour Pierre Doris. Tu parles d'un charivaris. Quel charivari, va, quel charivari, va, quel charivari. Il y a eu un blanc, hein? Oui, mais c'est tellement beau. Quel charivari, va, la vie avec toi, mon bon bon. Quel charivari, va, quel charivari, va, quel charivari, va, la vie avec toi. Et depuis toi, il y a eu toi, qui ne sais rien faire de tes 10 doigts. À part l'amour, mon joli cœur. Et quand, et encore quand il y a l'ascenseur, parce que les jours de pénurie, tu restes à la conciergerie. Tu parles d'un charivari. Un, deux, trois. Quel charivari, vari, va, quel charivari, vari, va, quel charivari, vari, va, la vie avec toi. Un, deux, trois, point. Quel charivari, vari. Quel charivari, vari, va, quel charivari, vari, va, la vie avec toi. Il me semble que tout est dit. J'ai tout dit, non, tout, non, tout dit, non, dit, tout dit, non, tout dit, j'ai terminé ma phrase. Tout dit, tout dit, tout dit, non, j'ai tout dit, non, tout, tout dit, non, dit, non, tout dit, c'est gravé dans le marbre. Tout dit, tout dit, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur. Tout dit, tu veux que l'on se parle. Tout dit, oh ma sœur, il te garde. Tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit. Tout dit, des oiseaux dans les arbres. Tout dit, tout dit, tout dit, je. Tout dit, tout, tout dit, dit, tout dit, tout dit, j'ai fui à la hussarde. Tout dit, tout dit, tout dit, j'ai tout dit, tout, tout dit, dit, tout dit, tout dit, et les rats m'ont suivi. Tout dit, tout dit, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur. Tout dit, tu as peur pour ma vie. Tout dit, oh ma sœur, il te garde. Tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit. Tout dit, de la pluie dans les arbres. Tout dit, je, tout dit, tout, tout dit. J'ai rompu le charme. Tout dit, tout dit, tout dit, je. Maintenant je vous regarde. Tout dit, tout dit, tout dit, hey, tout dit. tout dit na si, tout dit na ma, tout dit na sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh ma sœur, il te garde, tout dit na je, tout dit na suis, tout dit na le, tout dit na bruit, tout dit na tu vent dans les arbres. Tout dit na hé, tout dit na si, tout dit na ma, tout dit na sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh ma sœur, prends garde, tout dit, na ne, tout dit na pas, tout dit na tout dit na, où tu mourras d'ennui. Aujourd'hui, le vendredi 25... Non, le lundi 25 décembre 2000... Wow! On recommence. Aujourd'hui, le lundi 25 décembre 2017, les... Excusez. Ah oh, non, pas fa... faut pas toucher à la radio. Oui, mais je suis étouffé. Ben oui, on s'étouffe pas. Pas le temps de s'étouffer, là. Très mauvais moment. Très mauvais. Il y a des mauvais moments, là, puis là, là, ça peut pas être un plus mauvais moment que ce moment-là. Ah, mais voyons, non, non, je vous le dis. Si je serais patron, je vous congédierais sur le champ. Oh oui, mais je suis sur la neige. Oh, c'est pour ça que vous êtes sauvés. Parce que vous avez, vous auriez été sur le champ, je vous aurais congédié. Mais comme vous êtes sur la neige, on vous tolère. Puis on est très tolérant. Très, très tolérant. On est tolérant. Ça n'a pas de bon sens. On se tolère nous-mêmes. Imaginez-vous si on ne peut pas tolérer les autres, ce serait quoi? Aujourd'hui, le lundi 25 décembre 2017, les Errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les amarres familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous amener dans un environnement narratif, non. Pour nous amener du rire et de la musique, nous allons faire appel dans quelques minutes à mon ami Nico. Nico! Oui, monsieur! Connaissez-vous Nico? Nico! Il y en a des Nico! Ben oui, mais non! Le mien, c'est Nico Pato! Et pour ma part, ben... c'est tout. J'avance à 100 à l'heure avec mon triporteur. Je passe dans la ville, je répands du bonheur. Il n'y a pas que de l'huile qui tourne dans mon moteur. J'avance à 100 à l'heure avec mon triporteur. Je vais de ci, de là, le jour comme la nuit. Plus sympa de prendre des raccourcis. J'avance à 100 à l'heure avec mon triporteur. J'avance. J'avance à 100 à l'heure avec mon triporteur. J'avance à 100 à l'heure avec mon triporteur. Dans ce décor qui défile, avec toutes ses couleurs, c'est pas toujours facile de chanter tous en cœur. J'avance à 100 à l'heure avec mon triporteur. J'avance à 100 à l'heure avec mon triporteur. J'avance à 100 à l'heure avec mon triporteur. Triporteur. Ah, c'est sans doute lui. Oui. Je sais pas. Tu peux voir, il est au bout là-bas. Ok, oui, je vais aller voir. À l'intérieur. Ok, merci. Un grand blond. Ah, non, non, c'est pas lui. Je crois qu'il est blanc. Ah ouais? Est-ce que tu peux lui demander ou c'était veux-tu que j'y aille? Si. Si quoi, moi? Si il vous attend. Oui. Ouais, je vais merci. Lui demander. Merci. Tu veux passer par le... Ouais, ouais, j'arrive tout de suite. Ok, parfait. Okay. Alors tu m'attendais à l'intérieur. Ouais. C'est vrai, j'ai oublié de spécifier. Tiens, je t'ai ramené un petit croissant. Oh ben alors, je sais pas qu'ils en faisaient ici, je me suis excusé. Oh ben merci. Ça dérange pas que je place ça dans mon sac parce qu'il y a eux autres qui me gênent. Non, non, il n'y a aucun problème. Hey, merci, merci, merci, c'est gentil. Alors comment ça va, Nico? Ben écoute, ça va bien. Excellent. Donc, j'habite pas très loin, je suis content. Ah oui, oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que 9h30 pour toi, c'est pas trop, ah ouais, non, c'est pas trop tôt. C'est génial, je suis venu tranquillement. Je suis en bas de la descente là. C'est super. C'est 5 minutes à pied. Ouais. Quand tu marches pas très rapidement. Alors hier, je me suis fait arrêter par un flic. J'étais à vélo, alors j'avais le casque, j'écoutais de la musique. Il voulait me mettre 230 € d'amende. À cause du casque des à cause du casque, puis j'ai grillé un feu rouge. Ah, ben là, ok, non, c'est plutôt le feu rouge. Les vélos grillent des feux rouges à Paris, mais bon. Non, on n'a pas. Ben, que ce soit partout dans le monde, on n'a pas de droit. Ouais, pourquoi sais. Paris? Mais on a vraiment. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as les pistes cyclables, il y a certains endroits dans Paris, tu as les pistes cyclables, oui, et là, ici aussi. Quand, et quand les voitures s'arrêtent, tu peux continuer, quoi. Ah, pas nous. Non? Ben, si il y a le signe du piéton, là. Ouais. OK, pour traverser, là. Oui. Est-ce que tu sais ce que je veux dire? Ouais, ouais, le petit. Vert, là. Le petit piéton, ouais. Ouais, le piéton vert, là. Ouais. Ben, chez nous, c'est pas comme ça, mais en tout cas, c'est, nous, il est translucide de rougeâtre, là. Quand ça clignote, là, ben, les piétons peuvent passer. Ouais. Les vélos peuvent passer. D'accord. Les scooters électriques peuvent passer. Non, mais bon, je crois que je suis pas quelqu'un de très responsable, alors. Non, ben, je veux dire, tu fais pas attention à ce qui est. À tout ce qui est pu toucher aux lois. Alors si, ben si, de plus en plus, hein. De plus en plus. Enfin, de plus en plus. Si, justement, je me suis dit. C'est ton petit côté anarchiste, peut-être. Non. La sécurité routière, ça. Tu vois, les gens, bon, ils parlent des radars et tout ça. Bon, moi, j'ai tendance à me dire, le radar, s'il est là, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Fais-toi un pas en vélo, là, il y a un risque que tu ne peux pas te faire arrêter avec le radar. Ouais, après le vélo. Sinon, il faut avoir beaucoup de boissons énergisantes et de café. Ah non, moi ce qui m'énerve, c'est hein? Que toi tu te fais arrêter, parce que bon, je suis passé un feu rouge, il n'y avait vraiment personne. Hein, ouais. J'avais juste la voiture derrière moi. Mais ce qui m'énerve, c'est que tu vois des gens avec le portable en train de conduire. Ah oui, mais ça on n'a pas le droit chez nous. Ouais. Ouais. Mais ils ne se font pas avoir. Mais dis-toi que si une loi est arrivée dans un pays ou dans un endroit, ça risque de s'en venir tranquillement ici. Exemple, si tu es un fumeur, tu peux pas fumer sur une terrasse. Ouais. Il faut que tu sois à 11 mètres d'un endroit public. Au Québec? Au Québec, ben, ouais, c'est Québec, je crois, les États-Unis, je suis pas certain, ça s'en vient. Et, ben, parce qu'aux États-Unis, c'est compliqué, hein, ça dépend des endroits. Donc, tu peux être à Dallas, c'est des règlements, tu peux être à New York, c'est d'autres règlements, donc, ouais. À cause des États. Donc, il y a autant d'États qui peuvent avoir de lois par État, comme il y a la peine de mort à certains endroits aux États-Unis. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pour ça qu'Arnold se sentait très heureux dans le patelin où il était. Et donc, ce que je voulais dire, par là, ouais, tu dois être à 10 mètres, 10-11 mètres. Et sinon, ben, tu te fais interpeller. Comme c'est une loi récente, ils sont assez permissifs. Mais dis-toi qu'après quelques années, un an ou deux, une fois que la loi sera bien implantée, bien comprise surtout. Ah, mais ça, imagine-toi aussi que, non, après ça, on va attaquer ta carrière. En tout cas, ta création, parce que ta carrière, c'est quand même assez jeune, ouais. Hein, pour le moment. Mais tu loues un appartement. Là, je loue un non, appartement. Non, mais au Québec, tu loues un appartement et ça peut être stipulé que tu n'as pas le droit de fumer dans ton appart. Non. Tu t'achètes un condo. 250 000 $, c'est-à-dire en euros 175 000 €. Et c'est stipulé que tu n'as pas le droit de fumer dans ton appartement. Il faut aller fumer sur la galerie. Oula. Alors, c'est peut-être plus pour chez toi. Ah ouais, c'est fou ça. Alors là, c'est à se demander, la prochaine loi, c'est un couple par lit, sinon tu vas avoir une contravention, mais ça s'en vient. Big Brother, on n'est pas loin, 1984, George Orwell, on y est là. On dirait plus une loi américaine que canadienne. Enfin, que... Ah là, tu connais, hein? Tu sais que j'ai le vibrato rapide là-dessus. Parce que, non, mais je suis sûr que... Sans doute, en Nouvelle-Zélande, il y a une loi qui s'est implantée. Que là, il y a un ministre qui a fait un voyage en Nouvelle-Zélande et s'est intéressé. Il a amené tout le dossier au Québec. Puis là, ben, je dis à Nouvelle-Zélande, ça peut être n'importe où dans le monde. Il a ramené ça au Québec. C'est pas si con que ça. Lui, c'est un con, donc il sait pas que c'est con. Donc là, il a légiféré, la loi est passée et c'est comme ça que les lois apparaissent. Le ça paquet de cigarettes. Hein. Oui, mais ben oui, c'est ça. C'est, 1984, nous y sommes. Ouais. Encore pire, le paquet de cigarettes, la publicité, chez vous, c'est encore visible à 30 % du paquet. Oui, pas vous? Ben là, il y a une loi, ben oui, au début, mais depuis un an et demi, les fabricants de tabac sont obligés de placer la publicité. Attention, on peut mourir avec des dents tout croche puis tout. 70 % du paquet. D'accord. Alors, tu manges avec quelqu'un qui a son paquet, mais qui n'a pas d'autre fumée, c'est tout à fait dégueulasse. On est rendu là. Bon. Mais peu importe, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui nous font oublier toutes ces conneries. J'essaie. Et tes chansons, à un moment donné, tu dois écrire ce qui te graffigne un peu dans la vie. Ouais, mais tu... ce qui passe, quoi, ouais. Ce que tu as sur le cœur. Et tu sais que quand on est chanteur, comme le disait Michel Delpech, tu la connais un peu, dans ce que tu es chanteur? Mm-hmm. OK. Mais... ouais, c'est connu. Ouais. Oui. Lorsqu'on est chanteur et qu'on commence à faire des albums, tu as fait la mission en 2015? 2015, ouais. En fait, j'ai des chansons qui traînent avec les années. Alors, j'attaque, là, je travaille sur un album avec des chansons qui datent de 2011. Et j'ai refait d'autres chansons, et finalement ça fait l'album, enfin il évolue comme ça, mais à côté d'autres, je fais d'autres albums, quoi, enfin, tu vois. Avec d'autres groupes, avec d'autres... c'est d'autres concepts, en fait. Mais c'est toujours toi. Et c'est toujours moi, sous des noms différents, ouais. Sous des pseudos différents. C'est pour ça que j'avais appelé la production Le Sourire du Caméléon, parce que j'arrive à changer de... Ok, c'est toi, la maison de production, c'est toi. Ouais, enfin c'est nous, quoi, enfin on est plusieurs. En toi ou plusieurs en dehors de toi? Ouais, on est trois personnes. À l'extérieur de toi, là? Ouais, à l'extérieur de moi. Ok, ouais. Des fois on peut être plusieurs en même temps. Mais donc voilà, c'est ça le truc, c'est que je peux faire des chansons. Alors je vais faire des chansons françaises, à texte et tout ça. Si je traîne par exemple avec Pauline Paris qui dit bonjour d'ailleurs. Ah, tu la connais? Ouais. Ah oui. Et puis je connais aussi Lise Martin que tu vas voir jeudi. C'est le monde est petit, hein? Ouais, bah de toute façon, là, c'est un petit monde. Hein, puis c'est des gens qui sont... Qui gravitent autour du même univers. Ouais, voilà. Moi, avec Lise, je fais du théâtre aussi. Donc ça, faut pas le dire. On va lui laisser la chance de nous le dire. Ouais. Ben, je vais la préparer un peu, sachant ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je voulais... ta formation, c'est une formation classique... Bah moi je suis, alors j'ai quand même fait un peu de solfège parce que je suis dans une famille de musiciens classiques. Ma sœur fait de la flûte traversière. Mais moi j'ai Puis ton père, ta mère, est-ce qu'ils sont dans le milieu musical? Ouais, ma mère fait du piano, mais pour elle, mon père il faisait un peu de guitare et À l'oreille ou vraiment avec la partition, il pouvait... Non, à l'oreille. Ok, ouais. C'est bien ça. Et puis c'était très blues, tu vois, très Beatles, Rolling Stones et tout ça. Moi j'ai plus très vite trempé là-dedans que dans la chanson française, tu vois. J'y suis venu après. On n'écoutait pas beaucoup de chansons françaises, c'était plutôt Bob Dylan. Et c'est... Ouais, voilà. Bah oui, Bob Dylan avec la guitare à Daddy, là. Cette musique à gauche qu'on peut décrocher. C'était la génération un peu folk. Tout était permis à l'époque, il y avait moins de lois. Ouais. On pouvait se promener à vélo sans se faire arrêter. Écoute, ouais, c'était une période qui avait l'air assez... Permissive, et puis il se passait plein de trucs. Enfin, les gens avaient l'air heureux, en tout cas. Tranquille en mon hamac, les pieds tournés vers la Mecque. Je cumule un cognac en me matant un Star Trek. Pistolet au laser, toum toum téléportation. Allô, ici la Terre, mais quelle est ma mission? Ma mission. Ma mission. Spock à l'Enterprise, me prends pas pour un con. J'oublie pas mes neurones devant ma télévision. J'ai kiffé Goldorak quand j'étais petit garçon. Mais y'a maintenant un mec qui attend sa mission. Sa mission. Oh, sa mission. Moi je reste à terre, ça me colle le bourdon. Je voudrais qu'on m'accroche sur les ailes d'un avion. Si je pouvais décoller, décoller, décoller. Décoller pour sentir l'ultime frisson. Les pieds tournés vers la Mecque. J'attends ma Cadillac en bouffant des pancakes. J'suis un super héros qui trouve pas de boulot. Si je touche pas le million, c'est que j'attends ma mission. Ma mission. Ma mission. Ma mission. Ma mission. Je vais promener le chien pour me faire une raison. Le regard épicé. Ça me donne des idées. Je me ferais bien la belle de la ville de Blaqué. Partir avec ma blonde dans l'espace intergalactique. L'espace en bois. Où viendras-tu t'asseoir sur moi? C'est tout le gris de ce vendredi qui me raidit et m'asphyxie. J'ai le corps chaud, la gueule de bois. Je rumine sec une vague de toi. Je veux tes cheveux sur mon épaule. Trouver chemin dans la viens compenser. Oh, viens compenser. Tourne autour de toi. Tout ça me gêne aussi. jamais, jamais sans toi. Où viendras-tu t'asseoir sur moi? Où viens qu'on pense? Où viens qu'on pense? Avoir la mélodie aussi d'être heureux. Ouais, exactement. Alors en musique, c'est vrai qu'il y a tellement de choses maintenant. Il y a un public pour tout. C'est vrai que parfois on est un peu perdu, on a envie de vendre un peu sa chemise pour mettre un petit ouais, beat sur ouais. chanson. Ouais. Comme j'ai écouté tout à l'heure des vlogs et tout ça sur YouTube, et j'entends une vieille chanson française avec un bon beat, tu vois, ouais, un ouais. rythme. Et ça le faisait quoi. Puis ça rend la chanson originale, et il y a quand même le et ça côté la dépoussière un peu. Ça la dépoussière un peu, ouais. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, ouais, mais si je faisais ça sur mon album, oh, chanson. Ouais, ouais. Mais en même temps, c'est bien, mais essaies-tu de trouver un son particulier? Ouais, c'est ça qu'il faut faire, c'est travailler. Là, je pense qu'il faut travailler avec un vrai ingé son qui a une petite patte et qui. Parce qu'on ne peut pas tout faire, non, quoi. Il faut déléguer. Il faut déléguer, ouais. C'est surtout vrai quand ça commence à décoller un peu. Ouais, ouais, tout à fait. Au début, on s'occupe de tout parce que le téléphone ne sonne pas, on doit faire les appels nous-mêmes. Mais quand ça commence à sonner, tant mieux. Là, on peut trouver quelqu'un qui pour répondre au téléphone. Bah écoute, ouais, ce serait génial de s'arriver. Alors moi, j'ai une petite maison à la campagne et je passe du temps là-bas pour la restaurer, tu vois. Ok. Donc, et ça m'inspire aussi. La campagne, tu vois, Paris, t'es là, t'as la pression, c'est une grande ville avec du bruit et tout ça. Et quand tu vas là-bas, t'es plus... Tu te recentres plus et puis bah, t'es plus à même d'écrire des belles mélodies, la mélodie, ouais. Moins stressante. Voilà, ouais. Qui laisse voir les grands espaces littéraires à travers les mots. Voilà. T'as le petit côté coquin qui peut ressortir. Ouais, ben oui, parce que t'as le temps de réfléchir, de rêver. Voilà. C'est permis de rêver en campagne, plus qu'en ville. Mais ouais, exactement. Mais il y a un truc génial en ville, hein. Moi, oui, mais c'est l'inspiration. C'est ouais. là que tu vas chercher toute ton essence et que tu ramènes en campagne pour recracher. Toi, Renan, tu habites en ville? Tu es à Québec même? À Québec, ou... oui. À Québec, d'accord. Oui. D'accord. Mais c'est une ville beaucoup plus paisible, moins... C'est bien sûr qu'il y a des quartiers, hein, comme ici, plus virulents, plus... Ben, il y a des endroits plus calmes où les personnes âgées préfèrent se tranquilliser. Donc, il y a moins de familles, moins d'enfants, c'est moins turbulent. Et toi, ta musique avec les années, mais le premier opus, on se trompe pas, c'est vraiment 2015, alors il y a juste avant, j'ai fait un album qui s'appelle La Fée du Métro. Okay. Alors La Fée du Métro, c'est un album que j'ai partagé avec Philippe Ravier, qui fait de la trompette, qui fait de la caisse claire et tout ça. Donc on est déguisé en fée. Okay. Le principe, c'est La Fée du Métro qui donne des coups de baguette magique aux gens qui font la gueule dans le métro. Ah oui. Voilà. J'ai fait un petit clip. Et ça a bien marché, j'ai eu un relais télévision et tout ça. Ah, c'est bon, c'est bien ça. Ouais, donc... Parce que c'était le côté humour... Ouais, complètement décalé, un peu la Philippe Catherine, tu vois. Avant qu'il soit Philippe Catherine... Ah ouais, mais c'est bien, c'est bien. Et puis il chante un peu comme ça. Ah, c'est un peu punk. Ouais, un peu... Crash. Ouais. Ouais, j'avais écouté, c'était un gars qui m'avait présenté un groupe qui s'appelle TTC. Je m'étais inspiré. C'est un groupe anglophone. Non, ils sont français. Ah non, c'est pas ceux que je connais. Okay. Avec une chanson. Enfin, je sais plus le titre de la chanson, mais enfin bon, on avait fait La Fée du Métro. Et on a fait l'album finalement avec lui. Mais quand on faisait les concerts, je mélangeais tout, La Fée du Métro, le Nico Patou, Ma Mission. Et puis là, j'ai le dernier album que je vais sortir là bientôt. C'est le Petit Patou. Alors j'ai tout reclassé pour que ce soit clair pour les gens. Donc La Fée du Métro, le Petit Patou, avec le ukulélé, les textes et tout ça. Est-ce que les gens qui vont écouter Le Petit Patou n'ont pas forcément aimé La Fée du Métro et vice versa? Je comprends, parce que c'est trop trash. C'est trop trash, ouais. Alors que j'ai des beaux petits textes dans Le Petit Patou, bien léchés, tout ça. Tu peux plaire à la majorité. Voilà. Qui... Donc ça s'ouvre un peu plus que, voilà. que le premier opus qui était... Ouais, le premier opus, c'est un peu... Funk ska. Ouais. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Je sais plus ça. Ouais, que tu renies pas le ska ni le punk, tu vas continuer à en faire sur scène parce que ça réveille un peu le peuple et ça les, met, ça les fait bouger. C'est... Voilà. Ou si tu veux t'arrêter un peu là-dessus, puis... Ça dépend, je peux avoir les périodes... Après, c'est ce qu'on vit. Ouais. Si je suis célibataire, si je ne suis pas, si je suis amoureux. Après, j'ai un petit côté folk qui arrive. Ok. Ouais, j'ai un peu de tout. Hein, ouais, comme dans, du côté des dans ma valise. Ouais. Qui commence à se pointer. Au Neil Young. Ouais, Neil Young, j'adore. Ouais, ben oui. On l'oublie souvent, Neil Young. Hein, c'est le parent pauvre de la chanson folk. Ah oui, c'est sublime, ouais. Neil Young. Je trouve qu'il est supérieur à bien des autres qu'on nomme au début, mais il est oublié. Oui, il est oublié. Alors, c'est vrai que je l'ai vu en concert au Palais des Congrès, Neil Young. À quelle année? C'était il y a... Oh, il y a un petit bout de temps quand même. Je me souviens, il baragouinait en américain, tu vois. Ouais. En 2010? Ouais, ça doit être ça. Ok. Ouais. Il y en a un qui a dit « You speak too much ». Ouais, ouais, mais en même temps... T'es là? ouais, mais en même temps... Il a pris dans la tronche? Il est pris, ouais, mais il est pris... Ah oui, ok, il s'est réveillé. Il a pas arrêté de... Ok, c'est parce que souvent, c'est des gens qui sont pris dans leur monde, hein, donc... Ah ouais, il était vraiment dans son concept. Ah oui. Il est entouré d'Américains, il y a plein d'Américains qui le suivent, quoi. C'est un peu comme une équipe de football. Ben oui, mais c'est comme Bob Dylan, hein. Ouais, c'est ça. C'est une troupe, la troupe Neil Young. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la chanson? C'est parce que tu aurais pu être instrumentiste ou rester chez toi pour jouer... Bah écoute, ce que j'aime bien au départ, c'est la poésie. Je crois qu'il y a l'écriture, il y a un truc avec l'écriture. Un truc, tu t'y attends pas, quoi. Enfin, ce que tu as sur le cœur, enfin, je sais pas, il y a un truc qui vient parfois. Alors, quand tu veux le programmer, ça fait flop, ça marche pas du tout. Pourquoi? Ah, c'est quand tu veux vraiment écrire une chanson, enfin, je sais pas, il y a un truc... Il faut que tu laisses aller. Ça deviendra poésie sur papier ou mélodie sur chanson. Ouais, voilà. Alors, j'avais fait des ateliers d'écriture, c'est sympa. Parce que tu sais, par exemple, quand tu veux vraiment produire de la chanson, c'est se donner des mots et tu dois utiliser ces mots dans des phrases, absolument. Mais c'est pas quand même une sorte de mise en boîte Ça, c'est des mises en boîte, ouais, mais moi, ce qui me plaît, c'est le côté un peu... lié au spirituel, enfin un truc qui fait que c'est fluide et qui ça coule de source. Ça coule de source. À la lecture ou à tout? À la lecture puis à la lecture du texte puis à la chanson, à la façon dont tu l'annonces avec la mélodie. Puis... Voilà, ouais. Alors tu es quand même assez classique, c'est-à-dire refrain, couplet. Alors dans ce répertoire-là avec le petit batou, ouais, c'est la chanson qui veut ça, c'est-à-dire que. Sinon, dans le reste, c'est plus éclaté. Le reste, c'est plus éclaté. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal aussi à... Mais il y a un public pour ce genre de trucs. Oui, il y a un public, hein, même encore plus barré que moi. Moi, je suis un petit joueur. Rien. Attends, il y a des trucs que t'écoutes, tu dis, attends, mais moi, j'arrive pas à rentrer dedans, tu vois. Moi, ça reste de la chanson, ça reste de la variété, en fait. C'est la variété. Audible, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis un chanteur de variété, en fait. C'est la variétoche. Oui, c'est bien la variétoche, parce que ça stimule un peu la francophonie. Ça... Oui, tout à fait. Puis, oui, vas-y. Oui, ce que je veux dire, par rapport à... Je sais qu'au Québec, vous êtes très à cheval sur la langue française. Mais c'est parce qu'on est inondé. Hein. Oui, c'est tout en votre honneur, puisque vous êtes vraiment... Vous défendez bien cette langue, puis elle est... Comme vous l'employez avec vos expressions, elle est tellement belle. Et dans ce projet du Petit Patou, j'ai des chansons vraiment inspirées par Brassens, tu vois, je m'étais vraiment... Bobby Lapointe un peu? Bobby Lapointe, ça pourrait... C'était plus dans le premier album, Bobby Lapointe, des trucs saccadés, des ouais, trucs... Voilà, ouais. Mais il était très ska, Bobby Lapointe. C'est incroyable. Tu te dis, mais comment il faisait un concert pour retenir tout ça, quoi? Lui-même, il se surprenait derrière la scène après le spectacle. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'était merveilleux. Ouais, t'as raison, il jouait vraiment sur les consonnes, c'est rythmé. Hein, très saccadé. Oui. Mais c'est jouissif aussi, là. Ouais. Tu peux pas vraiment te tromper. C'est comme un enfant qui dit ga ga ga ga ga ga ga. C'est des textes, donc c'est un flux de textes qui récite comme une liste d'épicerie. Ouais, puis les gens prennent, se servent. Ouais, oui, parce qu'on peut pas s'accrocher sur tout. Donc il y a des trucs qui nous. Il y a des fins de phrases qui nous intéressent davantage. Donc c'est pour ça que ici, on plaque chaque mot. Là, ça devient un bouquet exceptionnel, un peu d'artifice sonore. Ça. Oui, tout à fait, avec les mots. Alors parfois on parle du langage et c'est vrai que en ce moment je suis dans une période où je dis le mot est-ce qu'il c'est bien utile. Ah, tu veux minimiser. Ouais, tu vois, quand tu... Synthétiser tes textes. On parlait dans le mot en lui-même, il y a plein de codes, il y a plein d'histoires et tout ça. Il suffit d'en dire un, tu vois, c'est de la suggestion finalement. Gainsbourg était fort là-dessus. Ouais, très fort. Minimiser tous les mots. Pour en arriver à un sens, une métaphore très simple, tu peux, qui est surtout recraché en bas, avec, qui se relève avec leurs derniers mots, puis sans avoir crainte de placer, de diviser un mot en deux pour le scinder, histoire de le faire sonner avec l'autre en bas. Ouais, tout à fait, ouais. Celui qui était très fort pour ça, puis c'était. C'est tellement. C'est compact, c'est pas dégoulinant. Non, c'est dense. C'est dense. Et ça se tient. Ouais. Dans une mer agitée, me battent à chavirer. Les courants m'ont mené buvez un café, tentez de passer la pampa. Ma sœur est à Poitiers, et moi je suis à Cuc. À Cuc, c'est cool. À Cuc, à Cuc, c'est cool. À Cuc, des mouettes insolentes se jettent sur les poubelles. Je capte la présence d'une jolie demoiselle. À Cuc, c'est cool. Mon frère est à Bangkok, ma coloc est en clope. Devrait pas être ici, j'ai rencard à Paris. C'est cool. C'est cool. Dans les dunes de Cuc, je joue à cache-cache. Il y a un booker ou un fantôme se lâche. Mère est à mauvais, mère est à faux. Ma sœur est à Poitiers, et moi je suis à Cuc. Ma saucisse est tombée, emportée par la musique. Je me retrouve à Poitiers. Poitiers. Poitiers. Poitiers. Poitiers. Comme les grands. Toi aussi, danse comme la fée du métro. Sois léché comme la plume, souple comme le roseau. Sache que celui qui passe devant toi, c'est un petit cœur qui bat. Et que si ce petit cœur est froissé, tu vas devoir le repasser. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Par la barbiche, liche, liche, liche. Je te tiens, tu me tiens. Je suis la fée du métro qui donne des coups de baguette magique à tous ceux qui font la gueule. J'ai dans mon sac à valise des jouets made in China qui font rire les petits comme les grands. Tu fais des progrès, jeune apprenti. Regarde bien dans les yeux cette femme devant toi. Dis-lui que tu comprends ce qu'elle ressent. Et que maintenant, grâce à ton coup de baguette, sa vie va complètement changer. Oh merci la fée du métro. De rien. Je te tiens, tu me tiens. Je te tiens, tu me tiens. Par la barbichette. Je suis la fée du métro qui donne des coups de baguette magique à tous ceux qui font la gueule. Bouge ton corps. Je suis la fée du métro, perso. Fée du métro, baguette magique. Fée du métro, trop. Je te tiens, tiens. Je suis la fée du métro qui donne des coups de baguette magique à tous ceux qui font la gueule. J'ai dans mon sac à valise des jouets made in China qui font rire les petits comme les grands. Comme les grands. Comme les grands. chaleur de l'histoire. Bandez-le, bandez-le, c'est bien. Quand tu chicotes en quête de plaisir, plus elle se frotte, plus on te le désire. Sur la terrasse où le temps s'accélère, j'ai les piclottes qui partent de travers. Comme je le disais tout à l'heure, ça coule de source. C'est clair, ouais. Bah, comme Flaubert qui... Ouais. Qui s'est lisé à voix haute pour voir si ça, s'il n'y avait rien en trop. Les gens de théâtre devraient faire ça. Ouais. Les gens qui écrivent des textes pour vérifier est-ce que ça tient le coup dans l'oralité. Ouais, parce que dans la narrativité, ça c'est autre chose, là, dans l'écriture. Mais lorsque tu le redonnes... Je suis sûr qu'il y a des professionnels qui écrivent pour des ministres doivent lire à voix haute pour voir si ça se tient, parce que devant un public, c'est tu peux pas te planter, t'es quand même un ministre ou un sous-ministre ou un premier ministre. Oui, c'est clair. Quand tu te fais une heure et demie de discours comme Macron. Oui, c'est pas toi qui... Ben, on dirait vraiment que c'est toi qui le dis, mais c'est toi qui le dis, oui, mais c'est pas tes mots à toi. Ouais. Donc, c'est tout ça. Mais toi, tu as terminé ton bac comme tout bon élève. J'ai fait bac, ouais. J'ai fait bac, après je suis allé en Angleterre. Attends. J'ai fait bac, moi j'ai une formation de comédien. Ouais. Donc j'ai tout de suite travaillé dans le spectacle de Robert Hossein. C'était Marie-Antoinette. J'étais. À combien de personnages, c'est quoi ça? C'est fou lui, parce que c'est pas un personnage, c'est plusieurs. Ouais, on était une tripotée là-dedans. Moi j'étais un soldat, je gardais la cellule de Marie-Antoinette, okay. J'avais 20 ans, bon, c'était rigolo. Ah oui. Avais-tu un texte? J'avais une petite scène avec Olivier Belmont, Belmondo. Et puis finalement, le spectacle était trop long, il a tout raccourci. Et ton texte est parti. On n'avait plus que oui, chef. Ah oh, ouais, ben, c'était déjà, il faut être convaincant. Mais c'était génial de participer à cette aventure. Et après. C'est une belle école, hein? Ouais. Parce qu'avec lui, c'est pas une pièce anodine, c'est vraiment gros budget, gros truc, grosse mise en scène, beaucoup de comédiens. Beaucoup de comédiens. Il faut être prêt, il faut être dedans, faut pas titiller, faut. Et puis, c'est des moments où ça gueulait, ça gueulait bien. Mais bon, j'avais 20 balais, je voyais tous mes copains partir, étudier, machin, tout ça. Puis donc, moi, après, je suis parti en Angleterre. Ça a duré combien de temps, l'univers Hossein? 6 mois, au moins. Hein. Répète en août et fin septembre, octobre. Hein. Janvier, février, pardon. Quelle année? 94, je crois. Puis, avez-vous été en tournée avec cette pièce-là ou ça s'est arrêté? Non, ça s'est arrêté. Le succès était quand même assez extraordinaire. Quand c'est signé Hossein, ça... Ouais, mais... Il commençait à descendre un peu dans... Ouais, je me souviens que... Enfin, toute la... quand même des spectacles populaires, et là-haut, c'était un petit peu vide, quoi, tu vois. OK. Parce que c'était son kiff, c'était justement de faire descendre les gens à des bonnes places qui allaient payer... OK, plus cher. Ouais. Mais c'est... À un moment donné, on a senti qu'il y avait une genre de une lassitude du public vis-à-vis ce gros spectacle-là. Donc, ça, ouais, comme... ça et c'était le début peut-être. C'était le début, ouais, la fin. Ça avait un petit peu dégringolé. Après, il a refait... si, si. Mais après, il a quand même fait. Écoute, c'était pas le début de la fin. Parce qu'en fait, après, il a fait. Il y avait Angélique Marquise des Anges qu'il a fait en spectacle. Et il y avait des alertes à la bombe à Paris et tout ça, ça a bien bloqué tout le... ça a fait capoter le spectacle. Mais après, il a su... c'est ça qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il a su se renouveler. Et après, il a fait De Gaulle, il a fait des affiches, c'était, je m'en souviens, dans Paris. Il y avait l'affiche de De Gaulle, on ne savait pas que c'était De Gaulle, hein. C'était celui qui a dit non. Okay. Il y avait ça partout dans Paris, les gens se demandaient ce que c'était. Et il a fait le Stade de France, il a rempli... Non, c'était pas le Stade de France, c'était pas les Décongrès, je crois. C'est quand même une salle... Ouais, c'était énorme. Et là, il a cartonné avec ça. Et ensuite... Il sait rebondir, c'est le mec qui savait rebondir. Et ouais, c'est ça que j'ai appris chez échecs, lui. De ses échecs, ouais. Qu'il pouvait... C'est quand on dit, les gens, ils ont un malin plaisir à t'enterrer, tu vois. Ouais, lui, c'était bien, mais même même des gens connus, tu vois, quand ils ont sorti un truc super. Oh, ouais, lui, il a fait ça, puis on le réduit vraiment à son truc. Pour, allez, dégage. Pour la faire mourir tranquillement, et une fois qu'on lui voit juste la tête, on prend le pied et voilà. on l'assomme. Et c'est ça qui est génial, c'est tout. Lui, il savait rebondir. Ah, il Mais c'est un sacré caractère. Oui, oui, ben oui, ben, comme tous les démagogues. Parce que son emblème, c'est le loup. Et je pense qu'il abandonne jamais, quoi. Ouais. Mais là, il est décédé. Ah non, non. Ah non? Il vit toujours. Ah oui? Ah, je pensais qu'il était décédé. Non. OK. Non, non, il fait plus grand-chose. Bah, il veut... Depuis 5-6 ans, je n'en ai plus entendu parler. Je croyais qu'il était décédé. Ah ouais, non, non. Il continue. C'est un petit bonhomme de chemin. Ouais. Mais avec la crise, c'est plus difficile pour lui aussi. Hein. Bah là, il a peut-être 90 ans, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Bah, voilà, c'est pour ça que je croyais qu'il était... Après, voilà. Hein. On peut toujours avoir des envies à 90 ans. Hein. Oui, mais peut-être moins de grandeur. Tu sais qui je pense? À de grandeur. Qui? À Brigitte Fontaine. Ouais, elle a 77. Dans sa chanson qu'elle dit... Je vous emmerde. Prohibition. Ouais, j'adore cette chanson. Je vous emmerde. Parce que, en fait, on s'imagine que des personnes âgées n'ont plus le droit de baiser. Exactement. Et du moins, laissez-moi fumer, boire et baiser. Et... boire et baiser. Puis à la fin, c'est je vous emmerde. Ouais. Avec mon look de libellule. Libellule. Sublime dame. Ben, elle est jeune, elle a 77. Ouais, ben. Je suis allé voir Tony Bennett, 95. Toujours aussi en forme. Une tournée mondiale. Imagine-toi donc, puis après ça, on va parler de toi sans aucun problème. Il a fait le jeudi, il était en Irlande, jeudi. Le vendredi, il était en Angleterre. Attends un peu. Jeudi, Irlande. Mercredi, Irlande. Jeudi, Angleterre. Vendredi, Paris. Samedi, Belgique. Ben c'est génial, au moins il a une super actualité. 175 spectacles cette année. Oh la vache, c'est énorme. 95 ans. Il dansait, il faisait des 360 en dansant. Non. Oui. Il a fait 3 chansons a cappella, puis une chanson où on avait coupé le son. C'est génial. Pour avoir uniquement sa voix à l'Olympia de Paris. Et la voix se rendait jusqu'en haut. C'était extraordinaire. Il sait qu'il y a une puissance vocale, même à 95 ans, il l'utilise encore pour montrer, écoutez, vous pensez que je suis terminé, qu'ils vont ouvrir la tombe et je vais aller me coucher dedans ce soir. Mais non, je vais vous prouver, c'était extraordinaire. 3 rappels. Et toi? C'est bon signe, ça. Ah, c'est bon signe. Ben, en tout cas, ça, quand tu sors de là, t'as la pêche. Ça donne de l'espoir. Quand même, j'ai 50 ans, mais je me sens quand même... Puis les petits bobos du lever, là, tu vois, ah, écoute, là, j'en connais qui sont encore debout à 45 ans de plus que moi. Et toi, le travail que... Ben, c'est pas un travail. C'est quoi? C'est du plaisir, écrire, c'est du plaisir, chanter. Le travail, c'est de se trouver des contrats puis de commencer à trouver les moyens de financer notre disque. Ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est le travail. Ouais, ça, c'est le boulot. Alors, du coup, je travaille pas beaucoup. Ouais, ouais. Mais tu as un travail à côté, parallèle. Ouais, j'ai un travail à côté où je fais speaker, enfin, animateur micro. Ah, mais c'est bien, à la radio? Ouais. Non, c'est des soirées privées. OK. J'anime des grands jeux, je peux animer des grands jeux, je peux faire... C'est très payant, ça? Ouais, c'est bien. Ouais. C'est... Dans les mariages, tout ça? Alors ça, non. J'ai plus du mal. C'est plus des trucs pédagogiques, des trucs un peu classe. C'est-à-dire? C'est... Je sais pas, alors je vais animer des grandes courses de chevaux où des gens ont fait des paris. C'est des soirées, ils ont payé pour cette soirée. Et tu en fais combien par année? J'en fais une soixantaine. Hein. Moi, ça me permet de gagner ma vie. De... Ah, c'est aisément quand même. C'est parce que c'est des contrats où les gens ont beaucoup d'argent, donc ils veulent avoir de l'animation. Oui, c'est ça. Ils sont prêts à payer. Ah oui, bah ils payent. Hein. C'est des entreprises, ils ont besoin de ça. Ils font je fais du team building aussi, ils appellent ça. Alors, en français, c'est team building. Bah, c'est pour créer du lien entre les équipes. Ah ok, oui. Okay. Ça, ok, c'est une entreprise qui veut renforcer le... Voilà. Okay. Et donc, ils font appel à des gens comme moi pour justement prendre la parole. Détendre les gens et puis les mettre... Puis les sortir aussi en dehors du contexte, exactement, du travail, ouais. Du bureau, des dossiers. Alors il y a des sociétés aussi qui sont spécialisées là-dedans, hein, qui me font appel à moi et tout. Donc moi ça me permet de gagner ma vie. Alors toi tu es autonome et c'est les sociétés qui vont faire appel à toi. Exactement, ouais. Mais est-ce que tu présentes tes cartes de chanteur à ça? Parce que c'est quand même très belle l'entrée pour... Tout à fait, ouais. Parfois, j'arrive à me faire programmer. Ah, c'est bien, ça! Alors, tu fais deux. Tu fais l'animateur, puis après ça, le soir, à la fin de la soirée, tu fais le spectacle. Ouais. Ça arrive souvent? Non, là, je... Tu blagues un peu, là. Non, mais depuis que j'ai ma maison, parce que là, j'ai cette maison que je suis en train de faire, ça me prend beaucoup de temps à la campagne, enfin, ça me prend... j'arrive à la fin. Pas ta maison 10, mais ta maison, ton chez-toi en campagne. Ouais, mon chez-moi, ouais. À la campagne. Et donc, ça me prend un petit peu de temps, donc forcément... Tu as la construction de la maison avant de faire la construction de ton disque? Ben, je fais les deux en même temps. OK. Voilà. Après le disque... Et t'es capable de tout faire là-dedans, la plomberie, puis... ouais, j'arrive. Oui? Alors j'ai des voisins qui passent, qui me filent des coups de main et ah, tout oui, ça. Okay. Mais au début, je ne savais rien faire. Okay. Ah oui, tu l'as pris sur le tas. Ouais, puis j'utilise des matériaux un peu nobles comme la chaux. Comme c'est une vieille maison, tu vois, j'ai enlevé tout le ciment. Le respect de ce que c'était. Voilà, j'ai fait un toit végétal sur un petit abri de jardin. Ah, alors tu es un peu vert. Ouais, je suis un peu vert, ouais. T'es végétarien? Non, okay. Non, je ne le suis pas. Hein. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Qui veut faire la fête avec moi? Qui veut faire la fête avec moi? Qui veut faire la fête avec nous quoi? Qui veut faire la fête avec moi? Avec nous, levez-vous. Avec nous, tout partout. Avec nous, levez-vous. Avec nous, tout partout. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour se refaire. Et je perds la tête à l'envers. chat est mystérieux. Il a de bons réflexes et n'a pas froid aux yeux. Il est d'humeur tranquille quand il a sa tétée. Il n'est pas moins débile que le chat d'à côté. Mon chat! Mon chat! Mon chat! Mon chat! Mon chat a des pulsions, il arrête pas de miauler. Il pisse sur mon blouson, vient toujours se frotter. On ne sait plus quoi faire, comme le chat d'à côté. Pareil que pour le faire taire, ils l'ont fait opérer. Mon chat! Mon chat! Mon chat! Mon chat! Mon chat, mon chat, mon chat n'est pas seulement un chat de canapé. C'est un chat de gouttière que l'on a adopté. J'adore quand il roupille, on voit ses coussinets. Il n'est pas moins débile que le chat d'à côté. Mon chat, mon chat. La viande, je mange pas trop, je mange beaucoup en protéines, je mange beaucoup d'œufs. Ok. Voilà. Alors tu cours après les poules? Bon. Faut bien manger, hein? mais tes chansons, est-ce qu'ils sont constamment, parce que j'en ai écouté 5-6, ouais. Il y a beaucoup d'humour. Oui, oui, alors, ouais. C'est ça que, alors moi je pense que Est-ce que tu connais Florent Nouvel? Non. Ok, ben c'est à peu près la même... Florent Nouvel? Oui. Donc il est canadien? Non, il est français. Ah, il est français, d'accord. Non, mais sinon, il aurait été québécois. Sinon, il aurait été, il aurait été québécois. Non, non, excuse-moi. non, c'est un français. Pardon. Ben non, il n'y a pas de problème. Non, c'est un français que j'ai rencontré il y a 2 ans. Oui, puis c'est Florent un... Nouvelle. Ouais, comme Florent comme Nouvelle. Oui, Florent Nouvelle, N-O-U-V-E-L. D'accord. Et comme les cours Florent. D'accord, ok, ça marche. Mais il y a moins de monde qui passe dedans. Ah oui? Donc, toi, ton travail, c'est... Ben, c'est pas un comme je te disais, c'est pas un travail, c'est d'écrire et de regarder ce qui se passe autour. Donc, tu es un gars d'actualité? Je suis un gars d'actualité, ouais. Après, je peux dire ce que je ressens, mais c'est vrai que dans cette écriture-là, chanson française avec le petit patou, c'est que j'arrive à être marrant, à être rigolo, coquin, grivois. Et ça, c'est ce que j'ai en moi, vraiment. C'est quand on fait du rock, on peut être vite chiant, tu vois, la béquille. Oh, ouais. Mais là, c'est vrai que c'est ton... T'es à poil, quoi. Ah oui, ouais, ben oui. Donc, qu'est-ce qui ressort? C'est des notes humoristiques. Ouais, t'as raison. C'est ça qui ressort, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par badou? Badou, qu'est-ce que c'est qu'un Badou? Badou? Oui. J'ai dit Badou? Ben, c'est quoi le titre de ton album? Le petit Patou. Ouais, le Patou, c'est qu'est-ce que... Patou, c'est mon nom de famille. OK, OK, OK. Ouais. OK, alors tu l'as utilisé pour... Ouais, parce que chez moi, il y a un petit côté juvénile, un petit côté petit. On... Encore maintenant, on dit, tiens, le petit Nico. Ah ouais, bah oui, OK, bah oui, bah oui. Donc, et dans mes chansons, j'ai beaucoup de petits. Il y a beaucoup... Petit qui revient souvent, donc j'ai appelé le petit Patou et l'album s'appelle Tout Petit. Mais qu'est-ce que l'enfance a encore à te dire, tout? L'enfance? Oui. Il a tout à te dire. Ouais. Excusez. Ah, il va le manger. Comment c'est que le tien? Okay. Nous avons. Voilà. Tout assez propre. Ah, je sais bien ce qu'elle reste là, donc. Il devrait le manger pour lui montrer. Excusez. Tout ça assez propre. Non, mais elle mériterait juste ça, manger. Ah, moi, j'ai un chien là, qui est à peu près gros comme le petit. C'est puis, beau, jamais, c'est innocent, en tout cas. Vas-y. Ah. Oui, ce que je te disais, donc, petit, donc j'ai tout en non, mais c'est bien, c'est très radiophonique ce qu'on vient de voir là. Oui, c'est rigolo. Une bataille de chiens. Alors, Patou. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, parce que le Patou, c'est un chien des montagnes. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai fait un poème là-dessus. Ah oui? Je sais pas si je vais le mettre, ouais. Toi, tes poésies, tu essaies de les transformer en chansons? Oui, alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Après, il faut bien le faire pour que ce soit, pas que ce soit très... littéraire? Les gens ont moins d'attention qu'avant, qu'est-ce que t'en penses, non? Ok, pourquoi? Bah, on est tellement sollicité, t'as vu les pubs, maintenant les images qui passent. Ouais, bah, il suffit de pas regarder la télévision. Ouais, voilà. Mm. Les gens qui t'envoient des CD, parfois ils écoutent... 3 secondes. Ouais. Ah oui, alors tu dois puncher, c'est ça que tu veux dire. Oui, oui, il faut susciter l'intérêt là sur le champ. Exactement, ouais. Mais faut puncher, ouais. Imagine les gens qui font de la musique progressive et si la pièce dure 12 minutes, c'est fini pour eux, là. Ben écoute, ouais, alors là, je sais pas comment ils font. Ouais. Mais tu sais qu'on t'a classé quand je visite plusieurs sites internet dans alternatif. Ça, alternatif, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il n'y a plus de tiroir. Au lieu de mettre déjanté, parce qu'ils n'ont pas trouvé encore la rubrique déjanté, et comme il n'y a plus de disquaires, donc ils ont mis ça dans alternatif. Ouais, c'est ça. Peut-être au même titre que J'ai trop tard. Ah oui, ben oui. Parce que c'est de l'alternatif, J'ai trop tard. Mais toi, ça n'a rien à voir avec l'alternatif. C'est le premier opus, c'est comme je le disais, c'est ska punk. L'autre, c'est plus chanson française. Donc, on devrait trouver Déglingué et Florent Nouvelle et toi, vous seriez là-dedans. Ben oui, Déglingué, c'est pas mal. Ouais. Ça faudrait le dire à SoundCloud ou indépendant indie, c'est ça? Ah oui, indépendant, oui, ouais. Ouais. Indépendant, ouais. Ouais, ça veut dire tout, enfin et rien, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que tu te considères comme un indépendant? Donc, indépendant égale liberté? Ouais, c'est pas mal, ça. Finalement, ça donne des... Des horizons, des ouvertures. Ouais, après, je crois qu'on aimerait tous sortir et être dans un tiroir quelque part. Dans une maison de disques? Bah oui. Enfin, c'est bien d'être dans un tiroir aussi. OK, et c'est bien aussi. C'est relax. Ben non, pas du tout. Une maison de disques, tu fais un album et fais-toi en pas que ta maison de disques va te dire dans un an et demi, deux ans, prépare pour un nouvel album parce qu'il y a une tournée à faire. Puis si ouais. T'es pas inspiré, puis là, toutes les fans et les femmes sont sur toi et tu peux pas créer. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Ta maison de disques va te dire, écoute, si tu honores pas ton contrat dans 6 mois, on va te licencier. Ouais. Oh non, mais c'est, écoute, être libre, c'est sûr que. Et puis, tu fais un album, ben, t'auras pas 90% des recettes. Tandis que si c'est toi qui fais ton album, c'est bien certain que ça va te coûter un montant X, mais tu vas avoir peut-être 70% des recettes. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais la visibilité est haute, mais avec Internet, tout est gratos. Facebook, tu peux faire ta vie. C'est vrai que maintenant, les albums... Ça, c'est radiophonique. Yeah. C'est, ouais, j'adore ça. Un super bruit de camion. Oui, oui, oui. Ouais. Un bon diesel aux abeilles. Avec la senteur, donc on risque d'être stoned, donc c'est merveilleux. OK. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, non, la maison de disques, les ventes d'albums, ouais. Ouais, alors, je sais pas, tout le monde est libre. Après, bon, c'est vrai que maintenant, on se bat tous pour faire de la scène. Il y a moins de place pour ce projet. Il y a moins de place, quoi. Après, il y a la vidéo, c'est important. Moi, j'aime bien faire les clips, hein. Ouais, ouais, ouais, parce que tu c'est sais... C'est rigolo faire les clips. Ouais, parce que tu peux faire ça d'une manière artisanale chez toi avec une caméra HD. Professionnelle, quand même, hein. Aujourd'hui, la HD... Pour... Je l'ai pris pour faire une photo avec toi, souvenir. Oui, ben moi aussi j'ai mon appareil pour prendre. Tu le sais, hein? T'as-tu vu les photos? Oui? Hein? As-tu vu les photos sur mon Facebook? Ah ben oui, carrément. OK, bon. Alors, à fond, c'est ça, mais il y en a à fond aussi. Et ton travail, ben pas ton travail, mais ta création, Est-ce qu'elle se mêle avec d'autres artistes? Alors, moi, c'est un peu ça. Faut que j'ouvre un petit peu. Pour collaborer, y a une personne avec qui je collabore, enfin, qui passe chez moi de temps en temps, sur les arrangements et tout ça. Mais, alors, j'ai collaboré avec Lise et Garance, je ne sais pas si tu... Ben oui, Garance Aubin, que j'ai rencontré à 3 reprises. Voilà, Garance. Et qui a fait mon spectacle, et c'est là que je vais t'inviter. Si tu peux te refuser aussi, il n'y a pas de problème. Mercredi et samedi, je fais des concerts acoustiques sur le banc public des Abbesses à la bouche de métro des Abbesses ici. D'accord. À 20h. Donc, si tu veux passer avec ta guitare, nous faire quelques titres, ça va être un grand plaisir. C'est mercredi? Mercredi, demain et samedi. Et samedi, je ne serai pas là, mais alors peut-être demain. Alors. Parfait. Alors, tu prépares quelques titres, 4, 5, 6, 7. Garance est venue, Pauline est venue, donc c'est libre, si tu veux, c'est libre. Alors, Pauline, elle est en Allemagne, ouais, je crois elle peut rentre pas aujourd'hui. Oui, elle ne peut pas cette année. Ouais. Puis Garance, elle est à... La foire du théâtre. Avignon. Avignon, oui, c'est ça. La foire du théâtre. Ouais, le bazar du théâtre. Donc, elle est partie hier. C'est pas mal la foire du théâtre. Oui, mais c'est fou. J'ai jamais géré. C'est comme Cannes, jamais ils me verront. Là. Ouais. Donc, la création que tu proposes, c'est en fait loin des troupes. Parce que tu ne te sens pas à l'aise encore de collaborer avec des gens, de former un noyau. J'ai fait les petits instants là avec. Il y a Lise et Garance qui sont venus enregistrer chez moi. Donc c'était sympa. Il y a Louis Caritini aussi. Et très sympa si. L'année prochaine. Ouais. Je te conseille d'aller le voir. C'est un ami hein, qui tourne aussi avec Lise et tout ça. Ils sont. Lise qui? Parce que Lise Martin. Ah, ok. Donc Lise Martin Garance, et puis avec Pauline, bah, sur la fée du métro, j'avais enregistré la chanson Lila. C'est avec Pauline, on se connaît depuis longtemps en fait. Est-ce que les amis comme ceux-là te proposent à des gens de collaboration de ouais, ouais, non, ben, ils font un spectacle. Oh, mais moi je connais un mec là, qui pourrait. Ouais, Pauline elle est vachement comme ça. Oui. Après, mais les gens en général du milieu, est-ce que vous êtes du genre à promouvoir l'autre? Non. Ah non? Non! Pourquoi? Parce que là, tu veux pas que l'autre prenne ton cachet? Non, alors soit il y a une belle entente, ou si tu fais venir quelqu'un en première partie, c'est que la personne va ramener du public et ça peut équilibrer, toi t'es pas sûr de remplir, c'est un peu comme ça que ça se passe généralement. Ok, mais quand c'est du plein air, puis c'est plusieurs spectacles enchaînés un après l'autre? Oui, ça peut être sympa si tu vois que ça correspond à ton projet et tout ça. Mais bon, chacun un peu... C'est les artistes, ils sont un petit peu... Oui, ben oui, l'ego, mais c'est bien aussi, hein, mais le portefeuille, c'est pas juste l'ego, c'est le portefeuille. Hein, bah aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Que je t'aime quand tu es loin de moi. Que je t'aime quand tu es loin de moi. Je trouve la vie super dure. Je trouve la vie super hard. La vie pas facile, mais enfin on fait avec. Que je t'aime quand tu es loin de moi. Que je t'aime quand tu es loin de moi. Je voudrais tant me rassurer, me blottir tout contre toi, te faire 2 ou 3 bébés et après rentrer chez moi. Que je t'aime. Que je t'aime. Je trouve la vie formidable. Que je t'aime quand tu es près de moi. Je trouve la vie super. Je trouve la vie super. Je trouve la vie incroyable. Je trouve la vie formidable. Que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que